goûter le gâteau. Alors, la vie, comment ça va? Il y a 20 minutes à prendre, il y avait encore un peu.